Bonjour, voici le 47e épisode du podcast des Nous. Un podcast qui fait de vous des Nous. Vous venez d'entendre la musique Good for Nothing Safety, créé par Twin Musicom, dont vous pourrez découvrir les créations au twinmusicom.org. Vous pouvez nous suivre au le podcast des nous, en un mot, .blogspot.ca. Vous pouvez aussi rejoindre nos médias sociaux au forum, en un seul mot, le podcast des nous, .probb.fr. Vous pouvez aussi nous rejoindre par courriel avec, en un seul mot, le podcast des nous, @hotmail.com. Voici maintenant la chronique culturelle, parce que nous autres, on est culturés, man! Cette semaine, nous parlerons de Allegro non troppo, un film animé italien réalisé par Bruno Bozzetto, datant de 1976. Ce film est en quelque sorte une parodie de Fantasia de Disney, mais pas tout à fait. Comme son prédécesseur, c'est une succession de séquences animées au rythme d'une sélection de morceaux de musique classique, avec entre les segments animés des passages en prise de vue réelle où l'on voit l'orchestre. Si dans Fantasia, les passages en prise de vue réelle ont une réalisation assez classique, soulignant un peu la haute classe de la musique, ici ceux-ci sont clairement de la comédie, avec un humour assez bon enfant, avec un orchestre de dames âgées, le producteur et le chef d'orchestre étant très matérialiste, et avec un seul animateur pour faire tout le film. Je ne crois pas que le film ait pu être animé par une seule personne, mais les passages sont assez amusants, et donne peut-être un peu le ton du film, mais pas tout à fait. Si les passages animés sont assez différents de ceux offerts par Disney, beaucoup moins classiques, plus cartoon, ils ne sont pas nécessairement tous humoristiques. Le film semble peut-être un peu plus adulte de par certains sujets abordés, mais en même temps, il est un peu bon enfant et est clairement moins guindé que le film de Disney. Si le film est assez différent au final de Fantasia, il est difficile de ne pas faire le lien, puisque c'est clairement le point de départ du projet, et que ce dernier est d'ailleurs cité directement par Allegro non troppo. Le premier segment, prélude à l'après-midi d'un faune par Debussy, fait clairement dans l'humour un peu vulgaire, et ouvre joyeusement le bal avec un vieux satyre qui s'intéresse à de jolies donzelles. Malgré un caractère design très cartoon, le segment suivant, Danse slave numéro 7, opus 46, d'Antonin Dvorak, est déjà un peu plus sérieux, moins narratif et, il me semble, moins mémorable. Le troisième segment, Boléro de Ravel, et cette fois-ci ouvertement une parodie d'un segment de Fantasia, Le Sacre du Printemps. C'est étrangement bien peu humoristique pour une parodie, malgré l'esthétique cartoon des dinosaures, surtout en comparaison avec le style assez réaliste de la version Disney. C'est presque plus une citation qu'autre chose. Je dois avouer que rendu à ce segment, mon intérêt allait clairement en s'amenuisant. Malgré que ce soit assez bien, peut-être juste un peu trop long. La valse triste de Jean Sibelius, qui suit, contraste encore plus avec ce que le film nous a présenté jusque-là, avec un style visuel très différent et un thème plus triste. Le concerto en C majeur de Vivaldi nous replonge dans quelque chose de plus joyeux, un peu humoristique, sans doute assez mignon, un moment sympa, mais pas tellement plus. Puis surgit l'oiseau de feu de Stravinsky, un délicieux segment très amusant sur le serpent et la pomme offerte à Adam et Ève, et tout se termine avec un épilogue un peu foufou, qui balance n'importe quoi à l'écran sur divers petits morceaux. Bien que le film souffre un peu de son inégalité et de sa un peu trop grande alternance de ton, ça reste un très bon film qui nous propose de merveilleuses petites animations fort bien faites sur des classiques de la musique classique que je vous recommande plutôt de voir, mais préférablement dans un moment où vous n'êtes pas trop fatigué, comme moi quand j'ai vu ce film. Ce n'est pas un chef-d'œuvre parfait, mais ça reste un film qui se démarque, un classique de l'animation qui devrait être plus vu. Je lui donnerai donc la note de 4. Pour ceux qui se souviennent de mes notes, qui sont sur 5, je donne 5 à un chef-d'œuvre, 4 à une œuvre qui se démarque particulièrement, ce qui est le cas de ce film, 3 à un divertissement honnête, 2 à une œuvre moyenne, 1 à une œuvre mauvaise et 0 à une nullité absolue. C'est un film qui est vraiment très bien. Nous avons hâte de vous revoir. À la prochaine!